Ça va, mais pas. Ça va, mais pas. Yo, 15-25 ans sont condamnés à dépenser leur thune en boîte. Tu veux le mode de sable qui change chaque année pour que tu claques de façon colossale et qu'on dise de toi que t'es cool. Mais tu nourris les multinationales, espèce de pédale, on te ramène l'anal à chaque étape. Y'a des vautours qui se tapent la cruse sur ton budget, construisent des tours gratte-ciel tandis que t'as plus de budget. Nial à générer, gère ta vie par télécommande médiatique, mode pathétique et synthétique de fric. Tu triques sur les meufs qu'il faudra séduire, et comme t'es vide, tu suis la masse pour assouvir tes envies de normalité comique ou tragique. Cocaïne, rap, musique, régique. Le diable séduit décidément, nuit vraiment, puis s'étend. Le jour, la nuit te sourit, alors tu suis. Le diable séduit décidément, nuit vraiment, puis s'étend. Le jour, la nuit te sourit, alors tu suis. Le diable séduit, vive. La rage qui jaillit consume mon âme dans l'enfer d'une vie sans vision d'avenir. Le pire à venir, car soi-disant le meilleur est derrière moi depuis que je suis majeur. Je suis méprisant envers les leurs de la société de consommation, envers du décor visible quand je vote, car le choix politique est vécu comme une condamnation. Critique hypocrite de l'opposition, une masse de bouffons juste ok pour divertir le peuple soi-disant roi de la démocratie. Pourquoi je dois gueuler pour donner mon avis? Alors je cours pour attraper l'or, que j'exorcise le sort du quotidien de famine, grise, mine, haine, tumeur, maligne, aliment mes pensées, limites, insensées. C'est l'instant T où je laisse exposer la névrose sociale au contact de laquelle les gens se sentent sales. Seuls s'en sortiront les buts sans morale, où les chances si peu nombreux tous dans le trou à nager dans la merde de leurs chiottes, car ils nous chient dessus et on aime ça. Les ouvriers scatophiles ont élu Sarkozy, leur nouvel ami plein de fric qui s'augmente sans pitié, qui fait des députés des privilégiés. Mais la France accepte et traite leur homologue de la SNCF comme des nantis. Pour le pouvoir d'achat tu repasseras, y'a pas de thune en France pour les petits soi-disant sarco-fachos. Un couple soudé par le pouvoir du contrôle médiatique, législatif, exécutif. La France la plus moche en puissance, un style qui fait plus peur. Pourtant les boches c'est proche, mais la mémoire est anéantie. On oublie vite le passé qu'on veut plus regarder. Voilà, et on va se faire enfiler par un petit bâtard qui vient d'Hongrie. Mais merde, je l'emmerde ce fils de pute qui vient ici me dire que y'a pas de fric alors que lui s'augmente. Qui vient de me dire que moi j'ai pas le droit de bouffer, de vivre décemment, parce que lui il en a besoin de mon fric pour faire n'importe quoi, des voyages, de vivre dans des purs hôtels. Voilà, j'en ai ras le bol, tous ces bâtards, je vais tous me les faire un par un. La rage du Don Vincenzo, la rage, la fureur comme Dragon Ball Z. Je sors mon épée comme Zoro et je te zette ton ventre, espèce d'enculé, pour te bouffer les tripes. Trip. Quand je prends le mic, c'est trop d'essence, trop de puissance.